11e chapitre. Arrivé sur les bords de la Kouma, Vladimirovka. Une attaque circassienne. Première apparition du Caucase. Une aventure à Georgiev. Histoire d'un chef circassien. En disant un dernier adieu aux hordes kalmouks dont nous avions partagé pendant plus d'un mois la vie libre et aventureuse, nous ne pûmes nous défendre d'un certain regret malgré les privations qui avaient accompagné nos courses au désert. Ces mœurs des steppes, pleines d'une simplicité patriarcale, reportaient notre esprit au temps primitif et lui ouvraient, comme à son insu, un vaste champ d'observation et de souvenirs. Comment d'ailleurs rester indifférent à la poésie des lieux, des usages et des coutumes, aux scènes pastorales et aux vastes horizons qui compensaient si largement les ennuis et les fatigues du voyage. En face de pareils tableaux, l'individualité égoïste disparaît complètement pour laisser à l'imagination pleine liberté d'admirer et d'apprécier selon ses facultés. Je ne saurais dire dans quelle rêverie l'âme se plonge au milieu de cette existence vague, presque perdue dans l'immensité, qui n'a pour se rattacher à la vie commune que des souvenirs et surtout de l'espérance. D'ailleurs, on l'a dit maintes fois, le secret de plaire appartient à l'originalité et nous avions tellement expérimenté cet axiome que nous nous surprîmes dans un véritable accès de tristesse lorsqu'il fallut quitter le surveillant des Kalmouks qui était à nos yeux un dernier représentant du désert. Mais chaque instant nous rapprochait de Vladimirovka et déjà les eaux limpides de la Kouma et les bouquets d'arbres qui couvrent ses bords remplaçaient l'aridité des plaines de sable, théâtre de nos courses nomades, et nous annonçaient une contrée comblée en apparence de tous les dons de la nature. Le paysage que nous avions alors sous les yeux était d'une beauté originale, d'autant plus frappante pour nous que depuis longtemps nous n'étions plus habitués aux gracieuses perspectives d'une campagne féconde. En face de nous, sur une pente inclinée, une demeure élégante, flanquée de deux tourelles et surmontée d'un belvédère, s'élevant au-dessus des arbres, nous rappela tout à coup l'Europe, qui reparaissait ainsi à nos regards entre les déserts de mer Caspienne et les montagnes du Caucase, dont les premières cimes se dessinaient vaguement à l'horizon. Derrière nous, les campements kalmouks et leurs troupeaux de chameaux ressemblaient dans l'éloignement aux effets de mirage si fréquents dans le désert. Un peu à gauche, le village, situé pittoresquement au pied du château, descendait par gradins jusqu'au bord de la Kouma, laissant apercevoir ses jolies fabriques, ses maisons séparées les unes des autres par des plantations de mûriers, de noyers et de peupliers d'Italie, forêt déjà nuancée par les teintes éclatantes de l'automne. Tout ce que l'opulence et la bonté du sol peuvent créer de plus enchanteur s'offrait à nos yeux comme une magnifique compensation aux fatigues passées. Les chameliers et les cosaques qui formaient notre escorte ne purent s'empêcher de partager notre enthousiasme et restèrent comme nous, immobiles, devant cette brillante apparition. Peu d'instants après, nous entrions dans la grande cour du château qui fut bientôt remplie d'employés et de domestiques, fort intrigués de savoir d'où pouvait sortir une si étrange caravane. En effet, il y avait de quoi s'étonner à notre vue. La britchka, traînée par trois chameaux, précédait une petite troupe composée de 4 ou 5 cosaques armés comme de vrais guerriers en campagne et de plusieurs kalmouks traînant après eux d'autres chameaux chargés de tout l'attirail d'une vie ambulante. Notre officier cosaque, le faucon sur le poing, un long fusil en bandoulière, se tenait à la portière, prêt à transmettre avec toute la précision russe nos ordres à l'escorte, tandis que le drogman, avec sa nonchalance italienne, se prélassant sur le siège de la voiture, regardait d'un air de profond dédain les individus qui s'agitaient autour de nous et qui lui adressaient 1000 questions auxquelles il ne daignait même pas de répondre. qu'on songe ensuite à l'aspect qu'offrait le cortège entier, allé par plusieurs semaines de voyage en plein air avec des vêtements ternis par la poussière et le soleil. À la procession de chevaux et de chameaux, au mélange de costumes asiatiques et européens, et l'on comprendra la surprise générale que devait exciter une visite aussi bizarre qu'inattendue. Cependant, tout se passa pour le mieux. Monsieur Rebroff, le propriétaire de Vladimirovka, averti par notre officier, vint nous recevoir au pied de l'escalier et nous souhaita la bienvenue avec toute la courtoisie d'un seigneur châtelain. Il s'empressa de nous installer dans un délicieux appartement au rez-de-chaussée dont les croisées donnaient sur un vaste et beau jardin où nous trouvâmes un billard et nombre de livraisons de la revue étrangère qui avaient pénétré jusque sur les bords de la Kouma. Après avoir mis à notre entière disposition ses domestiques, son jardin, ses fruits, ses chevaux, enfin toute sa propriété, notre amphitryon nous laissa maître de nous-mêmes avec un tact qu'on ne rencontre pas toujours chez les gens du monde. Il faut pourtant convenir que c'est une bien bonne chose lorsqu'on a été longtemps privé de toutes les facilités de la vie de les retrouver comme par enchantement et sans transition. De passer de la kibitka kalmouk à une demeure seigneuriale, de l'horrible galette au pain frais de chaque jour, de la marche fatigante des chameaux au repos du divan, de la monotonie des steppes à tous les agréments de la vie civilisée. C'est véritablement une bien bonne chose, surtout comme on a, comme nous l'avions, le rare bonheur d'ajouter à tous ces plaisirs la rencontre d'une famille hospitalière, prodigue de ses soins délicats, de ses témoignages d'affection qui viennent du cœur et qui font tant de bien à quiconque voyage hors de son pays. Avec quelle reconnaissance l'âme apprécie alors tout ce qu'il y a de sympathie et de laisser aller dans les longues causeries du soir où l'on se parle à cœur ouvert comme si l'on avait toujours cheminé ensemble. Du reste, l'attrait le plus piquant des voyages réside justement dans ces contrastes qui vous attendent à chaque pas et qui vous donnent la juste appréciation des choses par la comparaison. Car au bout du compte, qu'est-ce qu'un bon dîner pour celui qui dîne bien tous les jours? Qu'est-ce qu'un divan, des livres, de la musique, des tableaux pour l'être privilégié qui s'en repaît à chaque instant? Hélas, la plupart du temps, il bâille au coin de son feu. La musique l'ennuie, la lecture lui fait mal aux yeux. Son cuisinier ne sait rien inventer. Triste misère qui naisse de sa richesse. Mais qu'un malin, ou plutôt qu'un bon génie, le transporte subitement au fond d'un désert. Qu'il soit forcé de tremper son biscuit dans l'eau saumâtre d'un étang. De compter sur la chasse de son faucon pour dîner, de coucher sur la dure, d'essuyer le vent, la poussière, la pluie, de n'entendre que des cris de chameaux, de ne voir que des figures kalmouks. Et plus tard, on l'entendra s'écrier dans la joie de son âme en reprenant possession des jouissances si méprisées auparavant. Ah, qu'il fait bon manger, dormir, rêver! Ah, qu'il fait bon vivre ici! On reconnaît une pensée large et intelligente dans toute l'économie de ce magnifique établissement. Il y a environ 50 ans que M. Rebroff a jeté les premiers fondements de sa colonie sans se laisser rebuter par les obstacles et les dangers qui s'offraient à lui sous toutes les formes. Il a voulu utiliser les belles eaux de la Kouma dont rien jusqu'alors n'avait troublé la libre allure et maintenant plusieurs moulins établis par lui animent et égayent le voisinage par leur bruit continuel. La douceur du climat lui a permis de faire de nombreuses plantations de mûriers qui ont parfaitement réussi et d'organiser des fabriques de soie dont les produits peuvent rivaliser avec les plus belles soies de la Provence. Une autre industrie à laquelle il a donné également une grande extension est celle du vin de champagne, devenu pour lui un de ses bénéfices les plus importants. Il en expédie chaque année à Moscou au moins 10 000 bouteilles, vendu à raison de 4 roubles la bouteille. Homme d'activité autant que d'action, il a su, à force de persévérance et de volonté, répandre la vie, l'abondance, la joie dans un lieu inculte qui n'avait servi jusqu'alors qu'aux haltes passagères des Kalmouks et des Turcomans. Beaucoup de paysans de la Grande Russie qu'il avait amené avec lui, habitués à une vie presque sauvage, ont été transformés par ses soins en bons ouvriers, en cultivateurs laborieux et, dans l'occasion, en soldats dévoués à leur maître. En 1835, une soixantaine de circassiens, tentés par l'espoir d'un riche butin, descendirent de la montagne avec l'intention de piller et de saccager Vladimirovka. Arrivant la nuit, en véritable bandit, ils pensaient surprendre la petite population du village et accomplir leur dessein sans trouver aucun obstacle à combattre. Mais M. Rebroff, quoique jouissant d'une profonde sécurité depuis nombre d'années, ne s'était jamais fait illusion sur les dangers de sa position et s'attendait, tôt ou tard, à être attaqué. Dans cette conviction, il avait pris, dès le principe, toutes les précautions possibles pour déjouer les projets qu'on prêtait à ses terribles voisins. Deux bras de la Kouma servant de fossé au village et au château, une petite redoute, deux canons montés sur leurs affûts dans l'endroit le plus découvert de l'habitation et de plus une grande quantité d'armes entassées dans une chambre du rez-de-chaussée avec toutes les munitions nécessaires pour soutenir un siège, lui donnait presque la certitude de résister à toute attaque, quelque formidable qu'elle pût être. Chaque nuit, deux sentinelles veillaient jusqu'au matin, mesure de prudence qui semblait inutile et qui sauva Vladimirovka d'une entière destruction. Les circassiens, ne soupçonnant nullement cet excès de prévoyance et se fiant à l'obscurité, arrivèrent en face du village avec la certitude que personne ne se doutait de leur approche. Mais l'alarme avait déjà été donnée et toute la population de Vladimirovka, arrachée subitement au sommeil, était sur pied et prête au combat. Les ouvriers et les domestiques reçurent des armes, on leva les ponts-levis, les deux canons furent chargés à mitraille, le château se transforma en forteresse. Tout cela se fit avec une telle rapidité que lorsque les circassiens parurent sur les bords de la rivière, ils trouvèrent la défense du village admirablement organisée, ce qui ne les empêcha pas néanmoins de traverser la Kouma à la nage et à cheval. Mais M. Rebroff, à la tête de sa petite troupe, commanda le feu avec une intrépidité qui força les assiégeants à porter ailleurs leurs attaques. 3 ou 4 assauts furent également infructueux. Tous les points étaient si bien gardés et tous les hommes faisaient si bravement leur devoir qu'au point du jour, les circassiens se virent contraints à battre en retraite. Mais furieux d'abandonner ainsi sans gloire et sans profit des projets qu'ils nourrissaient peut-être depuis longtemps, ils mirent, avant de s'éloigner, le feu au village et aux forêts environnantes. Cet incendie, qui satisfaisait en partie leur désir de vengeance, leur permit de se retirer paisiblement sans qu'on pût savoir de quel côté ils s'étaient dirigés. Au sein de cette belle nature, de cette industrie qui revêt toutes les formes, on ne peut se croire à l'extrémité de l'Europe. Les maisons des paysans, gaies et entourées d'arbres, n'ont plus aucune ressemblance avec les tanières infectes qui forment les villages russes. Une joyeuse population d'ouvriers remplit les ateliers et fait entendre tout le long du jour des chants et des éclats de rire, témoignage d'un contentement rempli d'insouciance. Quant à l'accueil que l'étranger rencontre dans cette heureuse demeure, il est tel que nous ne savions en vérité comment remercier notre hôte et sa famille. Bien-être, douce société, amusement varié, liberté complète, belle nature, tous les biens se trouvaient réunis à Vladimirovka. 8 jours s'y écoulèrent pour nous avec une rapidité désespérante. Monsieur Rebroff ne pouvait assez nous exprimer la profonde satisfaction que lui causait notre arrivée. C'est la première fois que des Français venaient visiter les bords de la Kouma et lui demander une hospitalité qu'il est à même d'exercer si largement. Chaque jour, nous consacrions 2 ou 3 heures à examiner en détail les fabriques, les moulins, les filatures, les nombreuses plantations de son établissement, toutes choses qui ne cessaient d'exciter notre surprise et notre intérêt. Comme économiste et administrateur, M. Rebroff peut être comparé aux hommes les plus éminents de l'Europe et il a d'autant plus de mérite à s'occuper de ces questions industrielles qu'il ne possède pas, ainsi que tant d'autres, la ressource des livres spéciaux. Ne connaissant que sa langue, fort pauvre en écrits de ce genre, il en est réduit à quelques mauvaises traductions d'ouvrages français et allemands, bien insuffisantes, s'il n'était secondé par une rare intelligence. Ses jardins sont remplis de tous les fruits de l'Europe et de plusieurs espèces de raisins dont il tire un très grand profit. Parmi ces raisins, je citerai celui de Shiraz, qui n'a point de pépins et qui est d'une suavité incomparable. Je ne dois pas non plus oublier son excellent vin œil de perdrix qu'il nous servait chaque jour au dessert avec une véritable satisfaction de fabricant. Rien ne flattait plus son amour-propre que de nous entendre le comparer aux meilleurs crus de France, comme nous le faisions au commencement de notre séjour, et de la meilleure foi du monde. Plus tard, notre enthousiasme se refroidit un peu, mais c'est égal. Notre hôte n'en resta pas moins persuadé que son vin pouvait entrer en concurrence avec tout ce que la Champagne produit de meilleur. Bientôt, il fallut songer au départ, dire adieu à des amis que nous n'avions pas plus de chance de revoir que tous ceux laissés déjà derrière nous. Hélas, une impérieuse destinée nous appelait vers les montagnes du Caucase où nous ne devions faire également qu'une rapide apparition comme ces oiseaux voyageurs qui rasent vallées et montagnes pour courir après l'inconnu. Certes, mon courage n'était pas épuisé, pas plus que mon désir de voir, mais en songeant à la vie bohémienne que je venais à peine de quitter et que j'allais reprendre de nouveau avec ses fatigues et ses privations qui m'apparaissaient à travers 1000 craintes sérieuses, il m'était difficile d'envisager avec la philosophie d'auparavant toutes les chances de danger contre lesquelles nous aurions à lutter dans le voisinage des circassiens, héros de 1000 histoires épouvantables, s'il fallait en croire ce qu'on racontait d'eux. Je me trouvais si bien dans ce beau séjour où l'on voulait nous garder à toute force jusqu'au printemps prochain. Il fallait presque de l'héroïsme pour résister. Toutefois, cette disposition nouvelle d'esprit n'ébranla pas un moment ma résolution. Depuis longtemps, notre itinéraire était tracé. Il fallait le suivre sans s'inquiéter de ce qui pouvait nous advenir. D'ailleurs, en voyage, il faut être un peu fataliste et avoir confiance en sa destinée. Autrement, on n'aurait rien de mieux à faire que de rester au coin de son feu. Ce fut à Vladimirovka que nous prîmes congé de notre escorte. Dorénavant, la clochette de la Droïka de poste devait remplacer ces cris de chameaux qui m'avaient tant effrayé dans le désert au milieu du silence de la nuit. Une telle séparation nous affecta beaucoup plus qu'on ne pourrait le croire. Mais ces bons kalmouks, si empressés de nous être agréables, avaient été trop longtemps mêlés à notre vie, à nos impressions, à nos habitudes, pour que leur départ ne laissât pas un véritable vide autour de nous. Le faucon, notre fidèle pourvoyeur, eut, comme on doit le penser, une très grande part dans mes regrets. Et plus d'une fois par la suite, je songeais à ses prouesses en voyant passer au-dessus de ma tête des bandes d'outardes et d'oies sauvages. Retrouver dans les steppes kalmouks cette chasse du Moyen-Âge, presque perdue en Europe, n'était-ce pas une bonne fortune inespérée pour des voyageurs réduits à la monotonie du désert? Il me semble voir encore l'officier cosaque avec son bonnet circassien, sa grande lance et ses longs étriers, galoper ventre à terre pour prendre le gibier, palpitant sous l'étreinte du faucon, tandis que nos hommes dressaient la tente, débarrassaient les chameaux, allumaient le feu pour la cuisine et s'abandonnaient, en fumant leur tchibouk, à la quiétude qui suit toujours une journée laborieuse. Étrange contradiction du cœur humain, je me surprenais à regretter cette vie kalmouk au moment même où le séjour de Vladimirovka semblait me l'avoir fait oublier. La civilisation a certes bien des charmes, mais ce n'en est pas moins une chose des plus piquantes que de coucher dans une tente de 5 pieds de largeur au milieu d'une plaine aride, d'entendre les chameaux brouter l'herbe à quelques pas de l'endroit où repose votre tête, de sentir les chiens fourrer leur museau sous le feutre qui vous sépare d'eux, d'être entouré de tous côtés par des tribus à demi-sauvages auxquelles vous n'auriez à opposer en cas d'attaque que quelques mauvaises armes et une douzaine d'hommes dont le courage est négatif. Alors, il se passe d'étranges phénomènes dans le cerveau. On en vient à en douter de sa propre identité, à se croire presque kalmouk et à considérer les souvenirs d'une autre existence comme appartenant au domaine des songes. Rien ne sert plus à entretenir l'esprit dans ce singulier état que la facilité avec laquelle on s'habitue à tout ce qu'il y a d'extraordinaire. Le vent gronde et vient vous glacer. Vous ne le sentez pas. Les chiens hurlent à votre oreille, les chameaux remplissent l'air de leurs gémissements, sans que vous en tressailliez d'effroi. Je ne sais si c'est parce que l'on s'attend à tout que l'on n'a peur de rien. Mais en réfléchissant à ce que j'éprouvais dans ces circonstances, je puis encore m'expliquer l'indifférence avec laquelle j'envisageais alors les réalités et les probabilités dans le cercle desquelles nous étions renfermés. Notre départ de Vladimirovka fut aussi triste que possible. Si la saison eût été moins avancée, nous nous serions sans doute oubliés plus longtemps dans les délices de cette nouvelle capoue, mais il nous restait le Caucase à visiter et le mois de septembre approchait de sa fin. Il fallait donc nous hâter de profiter des jours de soleil qui devenaient de plus en plus rares. Et bientôt, tout fut disposé pour le départ. Les gâteaux, les fruits et les provisions de toutes sortes dont on bourra les poches de la britchka étaient une dernière preuve de l'amitié de cette excellente famille que je n'oublierai jamais. Notre intimité avait fait tant de progrès que nous ne pûmes nous séparer sans chercher dans l'avenir quelque chance de nous revoir. C'était une illusion sans doute, mais elle servit du moins à rendre les adieux moins pénibles et moins amers. Les chevaux de M. Rebroff nous conduisirent jusqu'à Bourgon-Madjar, propriété appartenant au général Skadjinski. Elle est située sur la Kouma, à une trentaine de verstes de Vladimirovka, et possède, comme cette dernière, de belles forêts et des points de vue admirables. Notre projet était d'abord de n'y demeurer que le temps nécessaire pour changer de chevaux. Mais l'intendant qui nous attendait déjà depuis quelques jours en avait décidé autrement. Et pour lui complaire, nous dûmes perdre 2 jours entiers dans sa compagnie. Cependant, notre complaisance n'aurait pas été jusque-là s'il ne nous eût mis dans l'impossibilité absolue de faire autrement. Dès le moment où nous entrâmes chez lui, il nous déclara d'un air tout à fait décidé que nous n'aurions 2 chevaux que le surlendemain. Nos réclamations, notre dépit, nos prières, tout fut inutile. Il fallut forcément subir une tyrannie dont le motif, quoique flatteur pour nous, ne pouvait justifier l'inconvenance. La difficulté de nous comprendre sans le secours d'un drogman ajoutait encore à notre embarras et à notre mauvaise humeur. Toute la conversation ne roula le premier jour que sur ces 2 mots. Mojna, vous pouvez rester. Et Nilsa, c'est impossible. Mais à part la contrariété de sacrifier 2 jours fort précieux, je dois ajouter que le temps s'écoula de manière fort agréable notre hôte s'acquittant de son mieux de ses devoirs de maître de maison. La première journée fut employée à visiter les bâtiments, les jardins, les vignes, les moulins, tout ce qui ressort de l'administration directe de l'intendant. Un ordre parfait régnait en toutes choses, comme si l'œil du maître eût veillé constamment sur cette belle propriété. Cependant, le général Stadjinski ne la visite presque jamais, se contentant d'en toucher les revenus qui s'élèvent à environ 20 000 roubles. L'écurie est remplie de très beaux chevaux de selle qui nous donnèrent l'idée de faire une longue promenade dans la forêt. Nous vîmes encore des antilopes presque apprivoisées dont la beauté et la douceur ne sauraient se décrire. On en rencontre parfois des troupes entières dans cette partie des steppes. Les bois qui avoisinent la Kouma contiennent aussi des chevreuils et même des sangliers. L'intendant voulait absolument organiser une grande chasse à notre intention, et pour cela ne demandait qu'un seul jour de plus. Mais toutes ces instances furent inutiles et nous prononçâmes un ilza si significatif qu'il fut obligé de se soumettre à ce qu'il appelait notre entêtement. Son désir de nous garder s'explique suffisamment par la profonde solitude dans laquelle il vit. Polonais de naissance, il a connu une autre condition que celle d'intendant, et ses goûts le prouvent. Il est poète, musicien et bel esprit. Voilà trois qualités singulièrement incompatibles avec ses fonctions. Mais comme il est seul et qu'aucune volonté supérieure ne vient contrôler ses instincts, il peut se livrer, un Virgile en main, à tous les charmes de la vie champêtre. Une guitare, des livres choisis et quelques inspirations poétiques lui forment, au milieu de ses prosaïques occupations, une existence toute intellectuelle qui lui fait supporter plus patiemment ses fonctions subalternes. Fin de la première partie du 11e chapitre.